écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk ska et hardcore francophone qui diffuse toutes les semaines à CHU Ottawa, Yellowknife et le CIVR et à Iqaluit, c'est Fred, c'est Farté. Moi, c'est Mathieu. Je vais être avec vous pendant 60 minutes. Je vais faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français, comme à chaque semaine, bien sûr. Alors, on a commencé l'émission avec du Asile, groupe d'Ottawa. C'était le morceau Ce qu'on nous dit de leur album Les Enfants Bâtards d'un pays maudit. La discographie complète d'Asile est disponible en ligne. Le groupe l'a mis en ligne très récemment à partir de leur site web Bandcamp. Je vais mettre le lien sur le site web de Suppression, suppressionpunk.com, bien sûr. Alors, si vous écoutez à la radio, allez checker ça. Et si vous écoutez à partir du site web déjà, ben là, le lien est déjà là pour vous d'aller checker, aller écouter et télécharger leur discographie. Alors c'est ça, une bonne émission planifiée cette semaine. Je vais continuer avec la musique. On va faire jouer les Mollards de leur album Des Sourires et des Armes. Voici le morceau Fait Diversion. À la fenêtre du petit écran, les petits esprits se croient géants. Dites-le prêt à penser aux masses de décérébrés. Y'a plus personne qui réfléchisse. Les crânes se vident, les poubelles se remplissent. La presse hygiène effrayée, terre pleurée dans les foyers. Mensongés sur l'humanité, toujours plus individualisée. respectes pas les règles, c'est l'anarchie. Si tu respectes pas les lois, ouais mec, l'anarchie. Si tu respectes pas les flics, ouais c'est l'anarchie. Si tu respectes pas la société, c'est l'anarchie. Respecte pas les trucs, c'est l'énergie. Wow, l'énergie. C'est ta bière sociale avec le morceau fin de Règne de leur album Alors il paraît que c'est la pire. Du Lexomil avant ça, le morceau février 89, avant d'écouter Les Esclaves Salariés de l'album Dur à battre, c'était le morceau Dur à battre. Du Poésie Zéro avant ça, de leur plus récent album éponyme, le morceau L'Anarchie. Et on a commencé avec Les Mollards de l'album Des Sourires et des Armes, c'était le morceau Fait Diversion. Je vais continuer maintenant avec un morceau par Les Erreurs, le morceau compliqué, ambigu. Les Erreurs, le groupe, je suis pas mal certain, n'existe plus. Il y a quelques membres du groupe qui font maintenant partie du groupe Nuage Flou. Nuage Flou, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Pas une très bonne idée. Je pense qu'ils ont fait quelques concerts, ils ont des enregistrements de leurs concerts en ligne sur YouTube. Alors, on peut avoir une idée à quoi ça ressemble. Mais le groupe Nuage Flou n'ont pas encore sorti, n'ont pas encore enregistré de quoi, ou ils n'ont pas d'album, ou rien de lancé. Je me rappelle qu'ils ont mis sur leur site Facebook très récemment qu'ils avaient l'intention d'enregistrer de quoi, puis je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais en tout cas, on attend ça, je suis certain que ça sera intéressant. Mais, alors comme de raison, je peux pas faire jouer des chansons par Nuage Flou, mais je vais faire jouer quelque chose par Les Erreurs, le morceau compliqué, ambigu de leur EP éponyme, alors voici Les Erreurs. Maintenant, je suis réveillée. Je ne me sens pas bien sans le clip et plus. souper. Vous polluez la sauce, elle est empoisonnée. Je suis bon pour la mort, et si je ne fais rien, appelez la garde, sinon encore mieux, un médecin. Mais faites un peu quelque chose, et puis vite où j'écris. Réveillez Solange, la dernière chance de sursis. Je suis Solange, es-tu réveillé? Solange, es-tu réveillé? Maintenant, je suis réveillée. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Macash, de leur EP éponyme sorti en 2016. En fait, je pense qu'ils ont sorti deux EP éponymes en 2016, mais celui-ci, le deuxième. Le morceau Enfant, Scrap avant ça de leur démo, sorti en 2012. Le morceau J'en mourrai pas, Les secrétaires volantes de l'album Econium. Je pense qu'il est sorti en 1993, celui-là. Ça date de depuis longtemps, en tout cas. Solange, es-tu réveillé? Et on a commencé avec Les erreurs, le morceau compliqué, ambigu. Et maintenant, on est rendu au mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle que si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com. Écoutez l'émission à partir du site web, voir les chansons qui jouent à chaque semaine. Et bien sûr, si vous écoutez déjà à partir du site web, merci de l'avoir fait. Je vous rappelle aussi qu'on a une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Alors si vous êtes sur Facebook, allez cliquer « J'aime » et là, vous allez pouvoir suivre l'émission. Et bien sûr, par courriel, vous pouvez me rejoindre info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com si vous avez de la musique à partager, vous êtes parti d'un groupe, vous pensez que il y aura peut-être une place à Sous Pression pour votre musique, envoyez-moi un message. Si vous avez des demandes spéciales, si vous voulez faire une plainte, n'importe quoi, là, envoyez-moi un message et ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Alors, on va continuer maintenant avec le bloc sono mondial. C'est le moment de l'émission où à chaque semaine, je fais jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Question un peu de explorer le punk au niveau international, à l'extérieur des mondes anglophones et francophones. Et cette semaine, faut jouer un groupe de l'Italie, le groupe Sempre Peggio. Faut jouer deux morceaux, Come Fate et Moves, de leur album éponyme sorti très récemment. Alors voici du Sempre Peggio avec Come Fate. Come fate, la fattura, la fattura. c'était Sempre Beggio avec Come Fate e Mauvaise. On va continuer avec quelque chose d'un peu plus post-punk, vulgaire, de leur album Heureuse, le morceau L'écran. We'll be right back. ça qui nous lie, on a oublié alors ce qu'on nous déchire et renfouit dans nos chairs. Tout au fond des déchus, nos délits animent ça. Ça s'arrête et ça continue. Ça va et ça va plus. Ça se passe et on rentre. On n'ose plus trop maintenant le vocabulaire s'allumer, s'éteindre. Et les étreintes se fanent dans le fou, y'en a plus trop rien, pas de poil à ramener. Et se payer un bon vieux truc, un bon vieux lecteur pour soigner tout ça. Toutes nos correspondances, un docteur pour soigner nos biens, puisque plus rien nous relie. Les correcteurs s'en tapent et on lit toujours les apprentis. On a perdu nos accords et ça nous rend sensibles. Nos corps se retirent, en fait on n'est plus là, tout est déjà parti. Plus ça va pas, ça passe et ça ne nous salue. Ça passe pas par là, ça passe plus. Ça passe pas par là, ça passe plus. Mais ça va pas, ça passe et ça ne sale, ça ne sale. Ça passe pas par là, ça passe plus. Mais ça va pas, ça passe et ça ne sale, ça ne sale. Ça passe pas par là, ça passe plus. Ça passe plus. fait. Les intentions s'échappent sans offrir de réponse. Il ne reste qu'à se faire parmi tous mes mensonges. Les quelques se succèdent et s'enchaînent dans ma tête. Il me reste le placard, il me reste les squelettes. C'est la guerre froide entre les vrais qui me plaît. Je descends de sa ligne et je te prends pour Truman. Les lance-missiles ne font plus peur à personne. Mon rideau de fer est toujours monotone. C'était les paris avec travailleurs de l'album La Nuit des Lombiers, du Beard Springsteen avançant avec Staline, Zabriskie Point et leur morceau Fantôme, Traître avec Dormien, pour X raisons avançant avec Correspondance, Aube avec Si c'est ici, Aval avec le morceau Le Jeu, Douche froide avançant avec Stop et on a commencé le dernier bloc avec Vulgaire de l'album Heureuse, le morceau Les Crânes. J'ai le temps de faire jouer un dernier morceau, je vais faire jouer du Nuclear Device de l'album Western Electric, le morceau Partisan. Alors, c'est ça. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Il y a des pays où les gens creusent et font des rêves. Ouvriers, paysans,